Bienvenue à WebMusic, votre rendez-vous de musique en téléchargement gratuit. Vous êtes avec Simon Roy, donc pour la prochaine heure, on va écouter plein de bonne musique. La première pièce assez surprenante, cover de Bach, c'est par Gluant, c'est sur l'étiquette Noiseux Net Labels. La pièce s'intitule Play One with Bach Toccata and Fugue in D Minor. Ça va être suivi par Ab Cidip, un artiste espagnol. Je vous fais entendre sa pièce Ambassador of Pixels. Donc, c'est ça, les deux artistes sont publiés sur l'étiquette Noiseux Net Label. Donc, c'est ça, on débute l'émission avec ces deux pièces-là. Vous êtes toujours à l'antenne de CKRL 89,1. Vous écoutez l'émission Web Musique. On vient tout juste d'entendre un artiste qui nous vient de l'Espagne. C'est Absy Deep avec sa pièce Ambassador of Pixels. C'était sur l'étiquette Noise Net Label. Également sur la même étiquette, on avait entendu avant ça Glow Hunt avec la pièce Play One with Bach Toccata and Fugue in D Minor. Donc, c'est ça, deux pièces sur l'étiquette Noiseux qui réédite leur catalogue, qui le poste sur Internet Archives. Donc, pour votre plaisir, vous pouvez télécharger absolument gratuitement toutes les pièces parues sur cette étiquette-là. Pour avoir accès à toutes les pièces qui jouent à l'émission, vous avez juste à vous rendre au www.webmusique.ca. Le web s'écrit O-U-E-B-E. Donc, vous allez retrouver la playlist et absolument tout ce qu'il vous faut pour télécharger les pièces entendues à l'émission. On poursuit avec un artiste de la ville de Lisbonne au Portugal, c'est Krenwick. Je vous fais entendre sa pièce First Reflection, c'est sur l'étiquette Digital Diamonds. Ensuite de ça, sur Fire Breath Records, c'est un violoncelliste du nom de Joshua Dent. Je vous fais entendre sa pièce Elegy. Donc on écoute ces deux pièces-là, on débute avec Krenwick. Thank you.

Adhérez ou faites un don en téléphonant au 88 640 25 75 ou en ligne sur ckrl.qc.ca ou bien venez au 405 3e Avenue à Limoilou. Encouragez votre radio préférée. C'est pas tant de prendre des types de personnalités qui sont à vif, mais c'est de prendre des humains à un moment où ils sont à vif, ou d'aller les prendre sur le vif dans leur intériorité ou dans leur pensée profonde, tout ça, tu sais. Pourquoi l'amour s'en va? Moi, je donne ma langue au chat. Pourquoi l'amour éclate? Moi, je donne ma langue au chat. À vif dans la beauté et la musique d'Émile Proulx-Cloutier à Sentier Secret, mardi 4 mars à 10h. Je croise plein de minivans, cercueils remplis d'humains qui en arrachent. De retour à Web Music, vous êtes toujours en compagnie de Simon Roy. Avant la pause, on entendait Joshua Dent, un peu de violoncelle. C'était sa pièce Elegy. C'est un artiste qui nous vient de Nashville au Tennessee. C'était sur l'étiquette Fire Breath Records. On poursuit avec un artiste, cette fois-ci sur l'étiquette Necrical Records. Il s'agit de Demagolka. Je vous fais entendre la pièce Botany Bee. C'est, je pense, la dernière album de Demagolka. Plusieurs albums à leur actif, mais malheureusement, depuis le mois d'octobre, n'existent plus. Mais vous pouvez toujours retrouver leurs albums en téléchargement gratuit. C'est assez facile à trouver. Après Demagolka, on va entendre Neon, un artiste de la ville de Monte Carlo, où je vais entendre sa pièce Back to You. C'est sur l'étiquette Mastic Net Level. We'll be right back. C'était une pièce de Neon, la pièce Back to You, Neon, qui nous vient de la ville de Monte Carlo. C'était sur l'étiquette Mastic Net Label. On poursuit avec un artiste de l'Angleterre, cette fois-ci du nom de Solemn de Camel Crew. Je vous fais entendre la pièce Sky Palace. Thank you. pièce totalement endiablée de Solemn de Camel Crew. C'était la pièce Sky Palace, Solemn de Camel Crew, qui nous vient de l'Angleterre. Ça va déjà être tout pour Web Musique. Il y a la croche-oreille qui suit tout de suite après, donc restez à l'écoute. Nous, on se quitte sur une dernière pièce. Avant, je vais vous rappeler de vous rendre sur le blog de l'émission. C'est au www.webmusique.ca. Vous allez pouvoir donc consulter la playlist et télécharger absolument toutes les pièces entendues à l'émission. Donc, c'est ça, vous vous rendez au www.webmusique.ca pour tous vos besoins en musique gratuite. Et nous, on se quitte sur une pièce d'un groupe de Londres, Cataract. Je vais entendre la pièce « Everything Tastes Like Blood ». C'est sur l'étiquette Funk. Donc, on se laisse là-dessus, puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Web Musique.